Chant numéro 3. Voyant s'éparpiller à travers la campagne tout ce monde assemblé dans sa fuite éperdue et courir vers le mont des justes pénitences, je me collais plus fort à mon sûr compagnon. Comment aurais-je pu, d'ailleurs, courir sans lui? Qui pouvait diriger mes pas sur la montagne? Lui-même, il paraissait se faire des reproches, car pour toi, délicate et pure conscience, la plus légère faute est un amer remords. Il ralentit enfin sa marche, car la hâte ternit la dignité de tous nos mouvements. Et l'esprit, jusqu'alors content de peu de choses, ressentit l'aiguillon de la soif de connaître, et me fit diriger le regard vers la cime, qui s'élance des eaux vers le ciel le plus haut. Le soleil, qui brillait ardent comme la braise, était interrompu devant moi par mon corps, dont son rayon venait dessiner les contours. Mais je me retournai soudain, saisi de crainte, croyant que j'étais seul, puisque j'apercevais ma seule ombre noircir le sol devant mes pas. « Que crains-tu cette fois ?» se mit alors à dire celui qui me console, en se tournant vers moi. « Ne suis-je pas toujours ici pour te guider ?» L'étoile du berger luit déjà sur la tombe du corps avec lequel jadis j'ai fait de l'ombre, et que de Brindisi l'on fit porter à Naples. Si rien ne se projette à présent devant moi, n'en sois pas plus surpris que d'observer les cieux, dont l'un n'arrête pas la lumière des autres. Car le vouloir divin fait que nos corps sont aptes à souffrir les tourments, et le chaud, et le froid, sans permettre qu'on sache comment il y parvient. Et bien folle est celui qui croit que notre esprit peut comprendre et saisir les chemins infinis de la seule substance unie à trois personnes. Contentez-vous, mortels, du plus simple quia, car si vous aviez pu tout savoir et connaître, point n'eût été besoin que Marie enfantât. Et vous avez bien vu que la recherche est vaine, de certains dont l'envie eût été satisfaite, alors qu'elle leur sert de souffrance sans fin. Je veux dire Platon, aussi bien qu'Aristote, et bien d'autres encore. » Penchant son front pensif, il mit de cette sorte un terme à son discours. Nous étions arrivés au pied de la montagne, mais on n'y pouvait voir qu'un rocher si scabreux qu'en vain on prétendrait l'escalader à pied. Allant de la Turbide à l'Erici, l'abîme le plus infranchissable est en comparaison un escalier commode et plus que confortable. Qui donc pourrait nous dire de quel côté la pente s'abaisse ? Dit alors mon maître en s'arrêtant. Pour que puisse y monter celui qui n'a pas d'aile. Tandis qu'il se tenait le visage baissé, supputant en silence un chemin à choisir, et que moi, j'explorais les hauteurs du regard, je vis venir à gauche une foule d'esprits, qui dirigeaient leurs pas vers nous, si lentement qu'ils semblaient demeurer à la même distance. Maître, lui dis-je alors, regarde donc là-bas, voici venir des gens qui vont nous conseiller, si jamais tu ne peux te suffire à toi-même. » Il regarda vers eux et dit, plus soulagé, « Allons au-devant d'eux, ils vont trop lentement. Quant à toi, mon doux fils, ne perds pas le courage. » Lorsque nous eûmes fait à peu près 1000 pas, leur troupe se trouvait encore loin de nous, autant qu'un bon tireur peut jeter une pierre. Ils venaient se serrer contre le mur rocheux de cet escarpement et s'y tenaient blottis comme des voyageurs incertains de leur route. Esprit élu déjà, mort de la belle mort, commença alors Virgile. Au nom de cette paix que vous espérez tous, à ce que je suppose, dites-nous où trouver le côté de la pente par où l'on peut monter pour arriver là-haut, car plus on sait et moins on aime le retard. Pareil à des moutons sortant de leur enclos, un par un, deux par deux, pendant que le troupeau les attend, l'œil craintif et le museau baissé, et ne font qu'imiter ce que fait le premier, et se rangent sur lui, si celui-ci s'arrête, silencieux et doux, sans savoir le pourquoi. Tel j'aperçus alors s'ébranler tout à coup le premier rang tout seul du troupeau bienheureux, à l'aspect recueilli, noble dans sa démarche. Mais lorsque les premiers virent que la lumière restait interceptée à ma droite et au sol par l'ombre qui poussait sous moi vers la falaise, ils s'arrêtèrent tous en reculant d'un pas. Tous les autres, alors, qui les suivaient de près, firent pareillement, sans comprendre pourquoi. Je vous confesserai, sans qu'on me le demande, que ce que vous voyez est bien le corps d'un homme, et c'est pourquoi si rompt la clarté du soleil. N'en soyez pas surpris, mais croyez cependant que c'est par un décret de la vertu divine qu'il prétend surmonter cette rude paroi. Ainsi parla mon maître, et cette gent heureuse dit, faisant du revers de la main certains signes. Retournez-vous alors, et passez devant nous. L'un d'eux me dit, ô toi, que je ne connais pas, regarde un peu vers moi pendant que nous marchons, et pense si là-bas tu ne m'as jamais vu. Je me tournai vers lui pour mieux l'examiner. Il était blond et beau et d'aimable présence, mais le sourcil fendu par un grand coup d'épée. Lorsque modestement je me fus excusé de ne point le connaître, il dit « Regarde encore », montrant une blessure en haut de la poitrine. « Je suis Manfredi, » dit-il ensuite en souriant, « et mon aïeul était Constance impératrice. De retour chez les tiens, veuille aller de ma part devers ma belle-fille, à qui doit sa naissance la gloire de Sicile et d'Aragon, lui dire la vérité qu'on peut lui conter autrement. Après avoir senti ma personne blessée par les deux coups mortels, en pleurant, j'implorais la bonté de celui qui volontiers pardonne. Mes péchés ont été des plus impardonnables, mais la grâce divine ouvre si grand les bras qu'ils accueillent tous ceux qui se tournent vers elle. Et si de Cosenza le pasteur, que Clément avait lors dépêché pour me donner la chasse, pouvait apercevoir ce visage de Dieu, les restes de mon corps reposeraient encore à la tête du pont qui mène à Bénévent, défendu par le poids d'un lourd monceau de pierre. Le vent sèche mes os, que lave l'eau de pluie. Ils sont hors du royaume et pas très loin du Verden, jetés là sur son ordre et à cierge éteint. Leur malédiction n'est pourtant pas capable d'empêcher le retour de l'amour éternel aussi longtemps qu'il reste une lueur d'espoir. Mais il est vrai que ceux qui meurent comme moi, même en se repentant, hors de la Sainte Église, demeure sur les bords, loin de cette montagne, 30 fois plus de temps que ne dure leur peine, pour faire pénitence, à moins que l'on ne sache abréger cette loi par de bonnes prières. Pense donc, si tu peux me rendre plus heureux, en allant révéler à ma chère Constance comment tu m'as trouvé, quelle loi nous régit, car nous gagnons beaucoup par ceux qui sont là-bas.